Bonjour. Alors, ma communication se situe en gros après 1940, entre 1945 et 62, pendant la période coloniale pour les populations algériennes. Donc, elle concerne les femmes, en fait, qui ont très peu fait d'investigations historiques, en vérité. Bien qu'on ait beaucoup parlé des femmes à partir des années 70 et 80 en sociologie, mais en histoire, il y a un grand vide. Voilà. Donc, c'est dans un contexte de nationalisation de l'action sociale et d'une politique coloniale de contexte de contrôle social que sera donc sous la tutelle du ministère de l'Intérieur organisée à partir de 50 ce qu'on appelle l'action sociale en faveur des populations musulmanes. Alors parce que les femmes en général peuvent servir de catalyseur à l'intégration sociale de toute la famille, les femmes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient émigrées, mais surtout quand elles seront femmes françaises et citoyennes françaises musulmanes, elles feront un objet d'une attention particulière de cette action sociale et elles vont devenir même la cible privilégiée de cette action sociale d'après-guerre. Alors, cette action sociale sera portée par une nouvelle aussi génération d'assistantes sociales, puisque la profession, le métier d'assistante sociale est institutionnalisé après 45. Voilà. Il faut savoir qu'après 45, si on accepte, en gros, pour aller très vite, les Algériens qui sont citoyens français musulmans, je vous le rappelle, à travailler en France, on envisage leur migration exclusivement à titre provisoire. Rien n'est donc mis en œuvre pour qu'ils restent en France ou s'y installent. Leur remigration n'étant envisagée qu'à titre provisoire, comme je l'ai dit, sous l'angle de la seule nécessité économique, qui correspond alors à une immigration réglementée, ouvrière et d'ouvriers non qualifiés, et d'hommes seuls surtout. Dans cette conception de l'immigration coloniale algérienne, dans cette conception donc transitoire, les femmes n'ont vraiment aucune place. Pourtant, c'est précisément à ce moment que des femmes algériennes arrivent de façon très significative sur le territoire français dans un mouvement essentiellement d'immigration familiale. Bon, elles sont à peu près, elles ont été présentes, hein, il y a des signes de leur présence avant la Première Guerre. En 1931, les services préfectoraux les évaluent à peu près à 1162. Donc c'est une évaluation à la louche parce que c'est une population qui est pratiquement difficile de recenser puisqu'ils sont français. Voilà. Donc il y a à peu près 85 000 ce qu'on a nord-africains, en fait il s'agit d'Algériens. En 54, il y a 14 920 femmes sur une population évaluée à 208 544 par l'INSEE, c'est pareil, c'est sous-évalué hein, évidemment. Et en 62, elles sont 57 707 femmes, donc sur une population à peu près de 350 484 Algériens, donc recensés par l'INSEE. Donc en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses, hein, puisque les recensements sont inexacts, du fait de leur statut, justement. Donc l'attention des femmes, qui a échappé aux chercheurs en sciences sociales, hein, leur arrivée en tout cas, n'a pas échappé à l'époque déjà au ministère, au contrôle du ministère de l'Intérieur, qui va mobiliser dès les années 50 les préfectures pour organiser l'action sociale en faveur des populations musulmanes, entre guillemets musulmanes. Ainsi seront mobilisées donc des assistantes sociales du service public et semi-public, ayant pour mission d'aider ces citoyens et ces citoyennes françaises à s'adapter à la vie occidentale. Il faut rappeler quand même brièvement, je pense que l'Algérie c'est la France, donc trois départements français, et que les Algériens depuis 1947 sont citoyens français de plein droit quand ils résident sur le territoire métropolitain. Et qu'à ce titre, ils bénéficient de tous les droits civiques et sociaux liés à la citoyenneté française. Donc il n'y a pas d'exception et de droit d'exception sur le territoire métropolitain. Pour autant, cette citoyenneté ne fait pas d'eux des semblables, puisque un certain nombre de programmes sociaux leur sont spécifiquement réservés, hein, notamment le service social nord-africain, amitié nord-africaine, aide morale nord-africaine, qui indiquent par là qu'ils sont, en tout cas qui confortent bien l'idée d'une non-conformité, en tout cas, au caractère et aux normes nationales. Dans le département de la Seine, donc, qui est Paris et sa banlieue, c'est le préfet donc, qui organise cette action sociale en faveur de la population musulmane originaire d'Algérie. Il est alors assisté de 3 administrateurs du service social civil d'Alger et par des conseillers aussi, et surtout des conseillères aux affaires musulmanes qui sont mis à disposition par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est une mesure d'exception. Hein. On n'a pas ça pour les Bretons, les Alsaciens, etc., qui relèvent du même statut, hein, en fait, de citoyen. Dans ce cadre, la sous-direction des affaires musulmanes crée en 1951 un service de conseillers sociaux et de conseillères spécialisées pour les Nord-Africains, donc qui, en fait, sont à 99% des Algériens, en fait, quand on parle de Nord-Africains. Ces conseillères vont être chargées de toutes les questions concernant les femmes et les enfants dans les milieux nord-africains, hein, je cite. Donc, ces permanences sont assurées dans tous les arrondissements de Paris et de sa banlieue. En outre, diverses associations semi-publiques, notamment le service social nord-africain, qui va être très actif auprès des femmes, intervient dans 17 arrondissements de Paris et pas moins de 67 villes du département de la Seine. Donc, alors leur mission, c'est de faciliter, à partir d'une connaissance approfondie des mœurs et coutumes musulmanes, l'adoption en métropole de ces citoyens français musulmans. Cette mission, réservée donc aux seuls français musulmans, non pas aux français, ni aux étrangers, et elle s'inscrit dans un dispositif plus général d'une politique de nationalisation de l'action sociale nationale de l'après-guerre, qui concerne tous les citoyens. C'est une mission, en fait, cette mission de l'après-guerre, hein, cette nationalisation de l'action sociale, est une mission en quelque sorte civilisatrice d'un corps social qui vise à corriger les défauts d'assimilation, essentiellement du monde ouvrier français, qui développerait surtout des attitudes d'éducation, de gestion de budget, d'hygiène peu rationnelles au regard de la norme dominante. Les Algériens en France, ils sont français, sont ouvriers et aussi des colonisés à surveiller. Donc ils vont être soumis à une triple action de normalisation et d'intégration nationale selon évidemment leur localisation. Donc surtout en région parisienne. Donc par télescopage de politique sociale, les Algériens deviendront la cible première de l'intervention sociale de l'après-guerre. Ce sont les assistants sociaux qui vont être au cœur de ce dispositif. Depuis 1946, donc, il y a eu une nationalisation et une institutionnalisation de leur métier. Avant, c'était surtout des bénévoles. L'État définit, c'est important, alors leur formation, garantit leur titre et assure le financement de leur formation et le financement. Dans les faits, tous ces dispositifs vont s'adresser essentiellement aux femmes. Et ces femmes qui arrivent justement de plus en plus nombreuses, des femmes algériennes, ces citoyennes françaises musulmanes, qui arrivent de plus en plus nombreuses sur le territoire, vont devenir une opportunité pour ces nouvelles promotions d'assistance sociale. Elles vont offrir un champ d'expérimentation à toute cette nouvelle promotion qui est formée justement avec tout ce discours sur cette mission civilisatrice du monde social, en fait, redoublée avec celui porté par la colonisation. Ces assistantes sociales ont pu ainsi retrouver, grâce au travail avec ces femmes venues d'ailleurs, bien qu'elles soient françaises, un sentiment d'une plus grande utilité, une reconnaissance et une certaine gratification qu'elle pouvait avoir perdue, parce qu'il faut savoir que dans le monde ouvrier, les assistantes sociales sont très, très mal perçues, perçues comme des intruses au plus près du domicile. Alors, comment ces femmes, ces professionnels du social, formés à la transmission d'une certaine idéologie nationale assimilationniste, ont mis en œuvre leur mission d'adaptation à la vie occidentale? Donc, essentiellement, elles vont organiser des cours. Il y aura des cours pour les hommes, quand même, essentiellement des cours du soir d'alphabétisation et de formation professionnelle. Pour les femmes, l'enseignement à la vie occidentale passera par l'enseignement ménager, essentiellement. Donc, elles se voient cantonnées, ces femmes, à une fonction de mère ou d'épouse, comme au pays, finalement, avec comme modèle, cependant, celui de la bourgeoisie française d'influence plutôt catholique. Alors, l'enseignement à la vie occidentale, notamment au service social nord-africain de Boulogne-Billancourt, où j'ai fait mes recherches, travaille à l'éducation et à la socialisation des femmes, essentiellement dans une visée d'adaptation, donc pour acquérir un ensemble de savoir-faire, notamment un savoir-faire où elles vont apprendre à acquérir des normes d'hygiène, des normes de conduite, de politesse, de gestion de budget, de formation de couture ou de tricot. Elles vont aussi avoir quelques conseils en matière de péricultrice. Enfin, toute une éducation pour répondre à toutes les préoccupations d'une bonne mère de famille et d'une maîtresse de maison. Voilà. C'est vrai que pour ces femmes, cet accompagnement pouvait présenter un certain soutien, surtout pour gérer des obligations qui seraient liées au mode de la vie urbaine, notamment les démarches administratives. Surtout pour les femmes qui sont essentiellement analphabètes, isolées et qui ignoraient la langue française, elles pouvaient trouver un certain bénéfice avec l'aide de ces assistantes sociales. Mais cependant, elles auraient peut-être aussi préféré, ces femmes, les cours d'alphabétisation pour gagner aussi en autonomie, ce qui leur était peu proposé. Comment les assistantes sociales du service social nord-africain rentraient-elles en relation avec ces Algériennes? Alors, en fait, ce n'était pas un besoin qui mettait en mouvement les assistantes sociales. Il suffisait qu'une famille s'installe ou pour qu'elle soit repérée et que l'assistante sociale aille vers elle pour lui proposer aide et soutien. Donc, il n'était pas nécessaire qu'il y ait une demande spécifique. Donc, je vais vous lire l'extrait d'un témoignage que j'ai recueilli, donc d'une jeune femme qui s'appelle Rachida, qui nous explique l'arrivée d'une de ses assistantes sociales dont elle a le souvenir en tout cas. Madame Latour venait à la maison, maman sortait les bons gâteaux de fête fait maison, se l'habilla, me croûte et faisait du thé. Ça m'a toujours étonnée qu'elle fasse du thé. Le thé, mes parents n'en pouvaient pas. Ils sont très cafés. Ils en faisaient très rarement et c'était pour de grandes occasions. C'était toujours mon père qui faisait alors le service. On était tous les mômes en garde à vous autour de la table. On savait qu'il fallait se tenir à carreau quand l'assistante sociale était là. On bavait devant les gâteaux, mais ma mère avait l'œil. Pas un de nous aurait osé en toucher un. Madame Latour était là, assise dans un tailleur gris et les jambes croisées avec de belles bottes en cuir, sa tasse de thé à la main. Elle voulait que ma mère sorte de sa maison pour aller à ses cours. Ma mère t'aurait vu le tableau avec ses deux dents en or, son aîné rouge feu dans les cheveux, ses tatouages sur le front, une vraie Fatma. Elle répondait « Mon mari, pas d'accord !» Quand même, quand j'y pense, à l'arrivée, c'est nous les filles qui nous retrouvions au cours de couture de Madame Latour et ma mère débarrassée. Donc on voit qu'il y a une sorte de mise en scène qui a organisé la maman, en fait, pour tenir à distance de l'intrusion du regard trop curieux de l'assistante sociale. Il y a un détail qui revient, c'est la tenue de vestimentaire de l'assistante sociale. Donc, Françoise Blum, qui a écrit sur ces assistantes sociales, explique qu'effectivement, elles avaient une obligation de se présenter dans les familles avec un certain code vestimentaire afin qu'elles puissent servir de modèle. Donc, ces femmes algériennes, finalement, étaient-elles en mesure de refuser les aides qu'on leur proposait? Elles pouvaient ne pas refuser les aides parce qu'elles pouvaient avoir peur d'avoir des mesures de répression, suppression des allocations familiales, etc., ou de s'attirer quelque ennui. Mais en fait, ces femmes aussi avaient une capacité à repousser, voire à contourner les demandes des assistantes sociales, notamment à l'occasion de propositions ou de cours qu'elles pouvaient faire qui pouvaient les mettre en conflit par rapport à leurs valeurs. Alors là, je vais juste citer un petit extrait d'une assistante sociale qui parle d'une leçon de cuisine. Alors elle explique « Ils furent les plus difficiles à mettre en œuvre. Nous n'avons pu aborder la question culinaire, ayant senti une résistance générale très vive à toute intrusion dans ce domaine, car toutes restent attachées à leur habitude. Et ce serait plutôt elles qui voudraient nous proposer leurs recettes. L'échange ne les intéresse pas. » Donc, ici, outre le fait qu'il y a un refus peut-être une crainte de consommer peut-être des aliments du porc et des choses comme ça, on se demande qui refuse l'échange. Les Algériennes qui proposent leurs recettes ou les assistantes sociales qui imposent les leurs? Cette dernière assertion montre clairement ce que assimilation veut dire. Imposition de sa culture et négation de celle de l'autre. Autre exemple, donc la leçon de biberon que je vais vous lire. En 51, la femme musulmane ne savait absolument rien des rudiments indispensables. Ah non, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est le prochain. Alors, dès la première réunion, ces dames manifestèrent aussi peu d'intérêt que possible à la démonstration de biberon qui leur fut faite, estimant qu'elles en savaient tout autant en matière de périculture qu'une assistante sociale qui se déclarait célibataire et sans emploi. Voilà. Donc là, il s'agit aussi de la part de ces femmes d'un refus d'une norme sociale qu'on cherche à leur faire accepter et qui est une norme qui est imposée aussi par une fraction de la bourgeoisie française et aussi par une industrie de l'alimentation au biberon qui était plus rentable, une industrie de consommation qui était du lait maternisé qui était en plein essor. Donc ainsi, placée dans une relation qui se construit à l'intérieur d'un double rapport de domination, ces Algériennes n'en ont pas moins été capables de mettre en cause une norme au fondement incertain qu'on voulait leur imposer. Voilà. En conclusion, voilà. Le travail de socialisation du service social nord-africain a conduit à une prescription à adoption d'une norme dominante. Norme dominante où le père représente l'autorité, l'épouse et ses enfants étant sous son autorité. Alors, voilà ce qu'on dit en une petite phrase aussi, une assistante sociale à propos de ça. La femme musulmane ne savait absolument rien des rudiments indispensables pour équilibrer son budget, soigner ses enfants, entretenir sa demeure, satisfaire son mari, en résumé, pour se comporter normalement en métropole. Voilà. Donc, ces assistantes sociales qui aussi ont fait le choix de ce métier pour échapper à une certaine monotonie d'une vie bourgeoise, de femme au foyer, vont pourtant proposer un modèle, ce modèle en tout cas aux femmes algériennes. Modèle qui va être mis à mal en France par le désir d'indépendance des femmes mariées, qui se traduit par une revendication à une vie personnelle et professionnelle, une maîtrise de la fécondité, l'égalité des sexes et d'autonomie de la famille. Les assistantes sociales, ainsi, en s'attachant à concilier les Algériennes avec leur milieu environnant, contribueront aussi paradoxalement à les en éloigner.